Le temps qu'il fait, la météo, la température, il fait combien? Un degré, il fait 25 degrés, il fait moins 10, il fait chaud, il fait froid, il fait frais. Il fait bon. Il fait doux. Quel temps fait-il? Il fait beau. Il fait très beau. Il fait un temps magnifique. Il fait un temps splendide. Le soleil brille. Il fait mauvais. Il fait très mauvais. Il fait gris. Il fait un temps épouvantable. Il fait un temps affreux. Il pleut. Il pleut très fort. Il pleut à torrents. Pleuvoir. Il neige. Neiger. La pluie. La neige. Le soleil. Le brouillard, le ciel, les nuages, le verglas, l'orage, un éclair, un coup de tonnerre, la foudre. On entend le tonnerre. On voit un éclair dans le ciel. La tempête. Le vent. Le vent souffle très fort. Le vent souffle à 100 km à l'heure. Il y a du soleil. Il y a de la pluie. Il y a des nuages. Il y a du vent. Il y a du brouillard. Il y a de la neige. Il y a de l'orage. Il y a un orage. Il y a une tempête. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de brouillard. Il y a une forte pluie. Il y a du verglas sur les routes. J'ai chaud. J'ai froid. J'ai très chaud. J'ai très froid. La chaleur. Le froid. Le ciel est gris. Le ciel est couvert. Le ciel est nuageux. Le ciel est bleu. Le ciel est dégagé. Le ciel est clair.